malades qui souffrent dans les hôpitaux demandent de la guérison. Demande pas qu'on fasse du mal aux malades. Et c'est ça le problème de la médecine. C'est ça aussi le désert médical, que les médecins n'ont pas pu trouver l'alternative sur l'histoire de guérir la maladie des patients. Tous les patients qui étaient là avaient peut-être une maladie, mais devaient se guérir. Si on doit se guérir, c'est parce que si on aussi disait qu'elle soignait de manière crapuleuse et sale, c'est parce que le capitalisme n'apportait pas guérison aux femmes, il n'apportait rien. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal là? Non, c'est pas normal. Mais même si Tolano il dit que la médecine ne soignait de manière exécrable les patients, pourquoi? Dans les années 1919, parce qu'ils n'avaient pas trouvé la source du problème qu'il fallait guérir. Quelle était la source de votre vie? Quelle était cette source? Comment il faut se guérir? Parce que nous, on venait tous d'une source. Mais à un moment, il fallait se guérir. Il fallait trouver cette délivrance. Il fallait trouver cette délivrance. On était tous dans la maladie. Enfoncés au fond de la terre. À un moment, il fallait se guérir. Il fallait dire ça, plus jamais. Ça, il fallait dire plus jamais. Mais le passé où il y avait le problème, il fallait enterrer le problème pour commencer une nouvelle vie aux malades. Il fallait guérir les malades. Et tu sais, les mots maladie, ça vient de maladir. La maladir, oui. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas bien dites. Ce sont mauvaises dites, tu vois. La malédiction, c'est une maladie, tu vois, ça vient de là. La malédiction, ça vient d'une maladie, mais. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont mal dites. Qui sont mal dites, oui. Donc il faut le dire d'autre manière pour que ça change. C'est ce que disait Tolano, que les médecins disaient les choses de manière mal dites. Mais le problème, pourquoi? C'est parce qu'on guérissait pas bien les malades. C'est ça le problème, le facteur social. Attends, ça et après c'est toi, Yohan. Et oui. Oui, et donc c'est là le rôle. C'est là le facteur social. C'est parce qu'on le malade qui était boiteux comme ça dans l'hôpital est malade. À un moment, a besoin de se guérir, de sortir de la maladie. D'où elle était. Elle avait besoin de sortir de cette maladie. Vous comprenez, madame? Si vous êtes là, c'est qu'à un moment, vous devez vous guérir de la maladie. Mais quel était le problème de Tolano? Parce qu'il était révolté que les médecins soignaient mal les familles à cette époque-là. Antonin Artaud, 1946. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire. Et il parlait de la réceptacle du magie noire. C'était pas normal, ça. C'était pas normal. Les médecins favorisent la magie. Que les médecins favorisaient la magie, c'est n'importe quoi. On ne peut pas jouer avec la médecine. On ne peut pas jouer. Ils ont fond. Il n'y avait pas eu de médecin. Il n'y aurait jamais eu de malade. La magie noire, c'est le truc qu'on met dans les fronts des familles. Et non par les malades. C'est la société a commencé. C'est pour évanouir les familles, ceux ça. Qui c'est vivent, pour. Vivre des morts. Il faut aussi. Il avait parlé de vivre les morts. C'était pas normal, ça, à l'époque. Hein. C'était pas juste. C'est idiot. Un asile d'aliénés. Mais il faut comprendre ce qu'il a fait. Couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Thérapeutique de la mort lente. C'était pas normal la thérapie de la mort lente. C'était pas normal. Complice en cela. La plus sinistre et crapuleuse magie. Et ils ont fait de la crapuleuse pour tuer les médecins, pour tuer le. De la crapuleuse magie pour tuer les patients. Faut comprendre ça. Mais ça, c'était pas normal parce qu'il n'y avait pas le recours. Et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles. Vous pouvez prendre la parole. Aux obscènes sollicitations anatomique et parler des obscènes sollicitations à l'anatomie. Appelé Bardo. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi. Le Bardo. Le Bardo des morts. Lequel d'aux exigences. Tombe en flac. On se l'a. Il y a dans l'électrochoc. Dans l'électrochoc. Par lequel passe. Par lequel passe. Et qui lui donne non plus à cet instant. À cet instant. Mais affreusement. Et le changement. Désespérément. Connaître. Que Dieu fut. Mais parce qu'il n'y avait pas la guérison à cette époque. Vous avez compris. Passé. C'était très grave. La cause était très grave. La magie de l'électrochoc draine un rat. C'était de guérir le malade. C'était pas. En l'époque, on faisait mal au malade. Par lequel. On faisait mal, on guérissait pas. C'est pour ça que. Monsieur Tolano parlait de ça. Des électrochocs du Bardo. De très électrochocs du Bardo. Une expérience. Une expérience. Et râler. Mais râler. Électrochocs du Bardo. Qu'elle avait très mal, le malade avait très une mal. Une expérience sucée par les larmes du non-moi et que l'homme ne retrouvera pas. La médecine soudoyée ment. Chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. C'était pas normal l'introspection électrique. Je n'ai non, vu, non, moi, pas normal. Que des terrorisés de la méthode. Les médecins terrorisaient les malades de terreur. Et c'est grave à cette époque du Tolano, du Vichy. C'était très grave, il faut résoudre ça. Bardo. Et le Bardo. Avec l'électrochoc du Bardo, c'était n'importe quoi. On ne remonte plus jamais. De ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. J'y ai connu ces moléculations souffle après souffle, du râle des authentiques agonisants. C'est parce que si. Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant. Perte d'un pan. De l'euphorie de vivre, connue un jour à se sentir vivant. De plus, oui. L'électrochoc comme le Bardo cardiaque. L'électrochoc comme le fardeau cardiaque. De tous les états. De tous les états. Pulvérisés. Pulvérisés. De toutes les espèces. De toutes les espèces. Des larmes. Des larmes, c'était pas normal qu'il y avait des larmes. C'était pas juste. Qui ne cesse. Qu'on guérissait pas les larmes des familles de l'hôpital. C'était pas juste. Faut comprendre. Le Bardo, c'est la mort. Le Bardo, c'est la mort. Mais qu'un état de magie noire. Que l'état magie noire, c'était pas normal. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y en a pas si longtemps. Artificiellement, la mort. Comme la médecine présente l'entreprend. L'entreprend. Favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme. Et le profiteur était le médecin. On comprend de ce sujet que c'était grave. Parce que le. Lequel. Celui. De guérir, mais il a pas le médecin était dans la terreur. Parce qu'il était un médecin de la hantise qui savait pas guérir. Savait pas guérir. Pourquoi il y avait l'histoire des électrochocs cardiaques du Bardo? C'est parce que les personnes se sentaient mal, on guérissait mal les malades à cette époque-là. On les guérit que si on apprend à porter la. Si on tient la personne quand elle se sent mal, il faut la tenir. Quand une personne est malade, il faut la tenir en main. Il ne faut pas accepter l'échéance de son droit. Il ne faut pas accepter l'échéance. L'échéance de la maladie, il ne faut pas accepter. Mais pourquoi il y avait cette erreur à l'époque de Tolano? C'est parce que les gens n'apportaient pas, elles ne délivraient pas la personne. Elles n'apportaient pas l'antibiotique à la personne. Les antibiotiques, elles n'apportaient pas elle délivrait pas bien cette personne. Mais parce que tout, nous tous, on a besoin, on a un mécanisme dans le corps qu'on a besoin de la guérison, de la délivrance. On a besoin de se délivrer. Mais pourquoi il y avait pas l'histoire de se délivrer à l'époque ? C'était une hantise. Totalement, c'était une hantise. Les gens qui font à l'hôpital, c'était une hantise comme tout le monde. On n'aidait pas les gens à l'hôpital, ils faisaient comme ça. Il y a besoin d'un médecin autour de ces personnes-là. Après oui, il y a des médecins, il y a des médecins oui, qui soignent, des médecins qui remplissent des cases, qui remplissent des statistiques. Il faut remplir des statistiques, oui. Pas forcément, c'est ça les problèmes. Moi, je pense, je ne sais pas ce qu'il parle de magie noire à Artaud, mais c'est aussi la magie de la société. Il y a un autre texte d'Artaud qui s'appelle Van Gogh, le suicidé par la société. Ah, ils étaient suicidés par la société. C'est-à-dire que c'est la société qui a poussé, selon Artaud, Van Gogh à se suicider. Elle a poussé Van Gogh à se suicider. C'est ce qu'il vit Antonin Artaud. Attends, je vais essayer de mettre un peu sur le texte là. Mais attends, oui, non, mais c'est ça. Est-ce que les malades et les médecins, regarde, je vais mettre un autre truc. Ça s'appelle les malades et les médecins. C'est tout fait. C'est tout fait. C'est ça. Oui, il résout l'histoire d'Arthur. Tu es en communication avec qui là, Bastien? Tu parles avec qui là quand tu parles comme ça en fait? Je mets la vidéo sur Artaud. Remets la vidéo, c'est très intéressant de comprendre. Ça s'appelle médecine magie noire. Médecine magie noire. Non, on n'est qu'en ombre. Qu'en ombre. Je veux dire plus lard. Plus lard. Mesquin. Mesquin. Pas de malade. De malade. Qui n'est grondi. Mais gronde. Pas. De chacun porton. De chacun porton. N'est un jour trahi. De trahir. N'avoir jamais voulu être malade. D'être malade. Tel médecin. Médecin. Que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie. J'ai été malade toute ma vie. Comme il a dit. Continuer. Car les états. De privation de la les charges de privation m'ont toujours renseigné mieux sur la pléthore de ma sur la pléthore de la blessure que les crédons de les crédons de la bonne santé suffit la mort est ton stupide car mon bien. Être est alors beau, ça bien mais affreux et il n'est beau. Il que est beau. Parce qu'il est affreux. Voilà. Il est beau. Guérir. Une maladie est un crime. Bah voilà, est un crime. Écraser la tête. On va expliquer ça. D'un môme beaucoup moins vif que la vie. Le lait sonne. Le beau se perd. Le pauvre se perd. Mais malade. On n'est pas dopé. On n'est pas d'autre. D'opium. D'opium. De cocaïne ou de morphine. Il faut aimer l'âme. Il faut aimer l'âme. Terre, la jaunisse et sa perfidie beaucoup plus que toute euphorie. Euphorie. Alors. La fièvre. La sueur. La fièvre chaude. La fièvre chaude. Mais il faut la guérir, la fièvre chaude. Je suis en état de fièvre. Depuis 50 ans que je suis en vie. On va parler. Donnera mon opium. C'est que si les. Celui. C'est que les malades avaient de la fièvre chaude à l'époque. Que je serai. Au pied, de la tête au pied. Il faudra guérir ces malades-là. La cocaïne. L'histoire des malades qui étaient en plein dans la cocaïne. Faudra l'héroïne, un surhomme en or. Comment ça va? Ça a été... le travail du médecin. Et cette table, cette mummification de son tas, cette raclure de sperme en cave, cette désintégration d'un vieux trou, cette excrémation d'un vieux môme, cette excrémentation d'un môme petit mot d'Anu enfoui dont le nom est merde, pipi, con, don et maladie. Et opium de père en fils, donc qui va de père en fils, il faut qu'il t'en revienne la poudre quand tu auras bien souffert sans lui. Ah, t'as parlé de psychiatrie, même. C'est ainsi que je considère que c'est à moi, Saint-Piternel malade, à guérir tous les médecins nés médecins par insuffisance de maladie. Et non à des médecins ignorants de mes états affreux de malade de m'imposer leur insulinothérapie santé d'un monde d'avachie. ACR, atelier de création radiophonique. Monsieur Van Gogh, ça vous délirez. Tout, Antonin Artaud, Vincent Van Gogh, Vincent Alain Van Cuny. Gogh. Par Janine Antoine, René Farabé. Antoine. Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société. Avec Alain Cuny. Avec Anatole. Antonin Artaud, aliénation et magie noire. Antonin Artaud, les malades et les médecins. Avec la voix d'Antonin Artaud. Non, c'est pas de bêtises, c'est des fréquences. Moi, je me demande si quand on entend des voix, c'est pas aussi une fréquence. Ben, c'est quand on entend des voix, c'est une force du mal qui possède la personne. C'est pas forcément du mal. C'est ce que disait le pasteur. Oui, mais les pasteurs n'ont pas raison totalement. Il disait qu'on, quand une personne fait n'importe quoi, c'est le mal qui la pousse à faire n'importe quoi. Oui, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi? C'est quand la personne, elle entend des voix. C'est n'importe quoi d'entendre des voix. On peut pas faire ça. Je suis pas d'accord, mais je pense que les voix, c'est une perception extrasensorielle. Intrasensorielle. C'est-à-dire que intra aussi. Intrasensorielle. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que tu sais, lui, c'est comme je vais parler parce que là, il y a des gens qui écoutent. Déjà, lui, en fait, le tympan. C'est comme un microphone, en fait. Tu sais, le microphone, tu le retournes la bobine. On le retourne de la bobine. Et ça devient un haut-parleur. Donc imagine que ton oreille, à la place de recevoir des sons, il commence à mettre des sons. Elle commence à mettre des sons. Ouais. C'est intéressant. Tu vois, ça c'est une théorie. C'est pas sûr, mais peut-être. Et sinon, l'autre théorie, c'est qu'on perçoit qu'on a une altino. Lui, il voyage par le système solaire. Il connaît plein de planètes, plein de choses que nous, on ne connaissons pas. Et c'est pas parce que nous ne connaissons pas que c'est pas vrai. Non ? Ouais, il faut accepter les choses. Pas parce que nous on ne les voit pas, les choses n'existaient pas. La preuve, c'est les voix. Hein. Quand tu entends des voix, tout le monde, tu sais que les gens n'entendent pas les mêmes voix que toi, mais pourtant tu les entends. Parce qu'elle est tourmentée. Pas le forcément. Pasteur, il disait, quand y a pas vous que entendez les voix. Des voix, c'est parce que vous êtes tourmentée. Il n'y a pas que les voix tourmentées. Hein. Il y a des voix aussi sympas. Non, j'entends pas des voix. Mais toi, et toi, qu'est-ce que tu penses ? Moi, j'entends pas des voix, moi. j'entends des voix que quand on parle. On t'évoque quand tu parles, ça c'est bien. Quand tu parles, tu dois parler. Quand on parle, quand on parle, j'entends des voix, quand on parle. Quand on parle, j'entends la voix de la personne. Quand il s'agit de parler, il s'agit d'employer la parole. Mais oui, mais ici c'est un lieu qu'on peut parler de voix, justement, parce que on n'est pas là pour juger si les voix sont mauvaises ou pas mauvaises. On est là pour travailler avec. Et c'est vrai qu'on peut, on peut entendre des choses. Moi, je pense que quand tu entends une voix, c'est comme si tu es un récepteur des radios, des fréquences inconnues. Récepteur des fréquences inconnues. Et, oui, et après, tu vois, les travails dans la vie, il faut que tu crées tes propres haut-parleurs pour montrer au monde la voix qui t'entend. Ah, il faut créer par les propres haut-parleurs les voix que tu entends. C'est rigolo. Ouais, c'est sympa, regarde, ça le fait rire. C'est bon. Mais oui, enfin, il faut faire quelque chose, on va pas... Hein. On ne va pas se venir comme ça. Hein. On traitait comme ça les gens. C'est à Bagdad, tu sais, le premier centre pour travailler la psychiatrie avant Jésus-Christ, on n'avait pas de médicaments, on n'avait rien du tout. Il n'y avait pas de médicaments avant Jésus-Christ et il fallait créer des médicaments. Voilà, il fallait créer des choses et à travers la musique et aussi à travers la création de choses. Donc il y avait, par exemple, quelqu'un qui sentait qu'il y a un serpent dans le ventre. Il fallait mettre un serpent sur les murs et faire couler de l'eau. Il fallait faire couler l'eau sur les serpents. Sur les serpents faits en bronze, et tu buvais de l'eau après pour te guérir du délire du serpent. Et c'est à cause de ça qu'ils ont créé le médicament. Après, le médicament, c'est oui, c'est autre chose. C'est très plein. Ouais, un peu de musique. Un peu. C'est intéressant le sujet. Hein. Je veux écouter. Je veux écouter, moi. C'est intéressant. Ça va c'est intéressant. On va regarder la musique pour. Pour adoucir les trucs. Il aime bien la musique, on sait, il aime bien la musique. Musique, this is. C'est pas ça. Là, ça, je vais chanter ça. Inspecteur. Attends, il faut que tu parles, il faut quelqu'un qui parle. Jesse, tu peux parler quelque chose pour la, hein, pour la radio là, pendant que... Yo, vas-y, Jesse, on parle un peu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, des voix, des trucs? Je sais pas. Tu étais où là maintenant? Hein? Faut que, là, il faut que tu joues ton... Attends. Il faudrait que tu joues ton, ton rôle de co-responsable sportif là. Après, on est à 20 minutes de live, hein, ok? Donc là, on s'est... Mais tu t'entraînes là, tu parles. On entend des voix, les voix de joueurs, on entend les voix à studio. Tu sais, un jour, je fais les sons pour un match de foot, tu dois mettre, tu mets une espèce de douzaine de micros, tu entends toutes les voix autour de toi. Et moi, je, là, j'ai monté un système, une espèce de home cinéma chez moi. Ah, donc, vous avez assisté à un home cinéma, ça. Donc, j'ai 8 haut-parleurs autour de moi, donc j'entends des voix tout le temps, tu vois. Mais on pourrait faire un dispositif comme ça, tu vois, ici. On a, chacun enregistre la voix de la personne qu'aime le plus et on se fait ici un bain de voix qu'on aime bien. Comme ça, non? Ça, c'est les médicaments. Attends, attends, j'ai ça. Allez. Ça, c'est les, on va faire des médicaments pour le, les entendeurs de voix. On va faire des médicaments pour les entendeurs de voix. Ouais. Les bombes de voix, attends. Les bombes de voix. Vas-y, je te mets un peu... Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Allô, allô, allô. Ah. On entend des voix partout. On entend des voix partout. Je sais pas pourquoi ton micro, il marche moins fort que les autres. Prends notre micro, prends le 4. 4. Vas-y. On entend. Là c'est mieux. On entend des voix. On entend des voix partout. Non, c'est pour mon lobby qu'on pousse, hein. Elle est tuning celle-là. C'est l'inspecteur d'ici. Quand d'enfant et j'ai un flic et je vérifie les flows et les clips. Okay. L'inspecteur d'ici. Gare à tes fesses, M6. Vaut mieux être en règle et pas faire de bêtises. On est en... Bonjour, inspecteur d'ici. Vous avez les papiers de la boîte à rythme, s'il vous plaît? Elle est en règle? Non, c'est pour mon lobby qu'on pousse, hein. Elle est tuning celle-là. C'est l'inspecteur d'ici. Quand d'enfant et j'ai un flic et je vérifie les flows et les clips. Okay. L'inspecteur d'ici. Gare à tes fesses, M6. Vaut mieux être en règle et pas faire de bêtises. On est en 2024 sous la 8ème République. Je roule dans mon 4x4. Au fait, j'ai un flic, je m'explique. Le rap a pris la place de la politique. Joe Star vient d'être élu président de la République. Booba est notre ministre de l'Intérieur. Rof a pour poste ministre de la Guerre. Tiam est au ministère de la Culture. Le Raluciano au ministère de l'Agriculture. Et si Jean Gabin est chef de l'opposition. Et l'opinion des halls change souvent de position. Bref, moi je suis qu'un pauvre keuf et je fais mon taf. J'arrête les faux MC car je suis un nègre à plaque. Si tu joues les hardcore sur ton permis drapé, il te faut l'attestation de street crédibilité. Je m'en vais faire une perquise. J'ai le ghetto rage bitume record. Moi c'est l'inspecteur d'ici, je mets de l'orgue. C'est l'inspecteur d'ici. Quand d'enfant et j'ai un flic et je vérifie les flows et les clips. L'inspecteur d'ici. Gare à tes fesses, M6. Vaut mieux être en règle et pas faire de bêtises. Tout le monde les mains en l'air, j'ai le sang qui braque. Quand j'arrive, faites pas les marioles ou je tape. Je les mains en l'air quand je sors ma plaque. Faut que tout le monde bouge, sinon je mets des coups de matraque. L'individu que je recherche prétend venir du ghetto. J'ai des dossiers sur son dos, son pseudo c'est MC Gusto. Donc je vais voir mon lundi qui me dit: je connais pas, je suis plus dans la musique. J'ai dit: tu veux que je te coffre pour ta bling bling en plastique? Mais c'est une bling bling, dis-toi. Elle est pas dans mon registre. Il finit par me dire qu'il sait où il enregistre et que le prénom d'MC Gusto, bah en fait c'est Régis. Merde. Un peu plus tard, j'arrive au studio. J'arrive, j'ouvre la porte et je vois une bande d'idiots. Avec toute la panoplie, basket, baggy. Certains de marque Foubou alors que c'est interdit. D'autres portent de marque française avec un gros logo. genre street Kairaware, se croit ghetto. Personne sait que je suis un keuf, je suis sous couverture. J'en repère un dans la bande, je sens une ouverture. J'ai dit, je suis producteur, que je ne parle qu'anglais. Il me dit, one love man, keep it real, pas de problème. Puis me dit bonjour avec un chèque qui dure longtemps. Je me dis que je suis sur la piste, j'en ai plus pour longtemps. C'est l'inspecteur d'ici, bande d'enfoirés, j'ai un flic. Et je vérifie les flows et les clips. L'inspecteur d'ici, gare à tes fesses, M6. Vaut mieux être en règle et pas faire de bêtises. Faut des mains en l'air, j'ai le son qui braque. Quand j'arrive, faites pas les marioles ou je tape. Les mains en l'air, quand je sors ma plaque. Faut que tout le monde bouge, sinon je mets des coups de matraque. Donc sur les traces de Gusto, qui se fait appeler Mainstream. On me dit qu'il donne une interview pour un magazine. Un genre de magazine hip-hop, style, rap, groovy. En couvre nos maîtres, des gens qui marchent même si c'est pourri. On parle de la black music, on employait des noirs. Pas pour écrire les articles, mais pour nettoyer le soir. Bref, dans les locaux, je repère MC Gusto. Laisse ma carte et lui dis. Donc j'ai dit que je suis producteur et que je fais des auditions. Que je vais à MC Technique, dis. Mais le son garçon, aïe, ghetto H, bitume, dans Nord, cap, 8 boules. Grain de café, nous on aime les fumes de boules. Là je vais faire une phase technique, bel ex, ça va aller vite. C'est un fan, frère, qu'un fan, frère, qu'un fan, frère, qu'un fan. C'est l'inspecteur d'ici. Dans ta foire, j'ai un flic et je vérifie les flows et les clips. L'inspecteur d'ici. Car à tes fesses, c'est M6. Vaut mieux être en règle et pas faire de bêtises. Ils font des mains en l'air, j'ai le son qui braque. Quand j'arrive, faites pas les marioles ou je tape. Les mains en l'air, quand je sors ma plaque. Faut que tout le monde bouge, sinon je mets des coups de matraque. C'est l'inspecteur d'ici. C'est l'inspecteur d'ici. Bonjour, inspecteur du 6, vous avez les papiers de la boîte à rythme, s'il vous plaît? Elle est en règle? Non, c'est pas homologué comme pour ça. Elle est tunie, celle-là. C'est l'inspecteur du 6. Quand d'enfoirés, j'ai un flic et je vérifie les flows et les clips. L'inspecteur du 6. Gare à tes fesses, M6. Vaut mieux être en règle et pas faire bêtises. On est en 2024, c'est la 8ème République. Je fous dans mon cas. Au fait, j'ai un flic, mec. Le rap a pris la place de la politique. Joe Star vient d'être élu président de la République. Et notre ministre de l'Intérieur, Rof a pour poste ministre de la guerre. Jam est au ministère de la Culture, le Raluciano au ministère de l'Agriculture. Même si Jean Gabin est chef de l'opposition. Et l'opinion des halls change souvent de position. Bref, moi je suis qu'un pauvre keuf et je fais mon taf. J'arrête les faux MC car je suis un nègre à plaque. Si tu joues les hardcore sur ton permis de rapper, il te faut l'attestation de street crédibilité. Je m'en vais faire une perquis, j'ai le ghetto rage bitume record. Moi c'est l'inspecteur d'ici, je mets de l'ordre. C'est l'inspecteur d'ici, quand d'enfoirés j'ai un flic et je vérifie les flows et les clips. L'inspecteur d'ici, car à tes fesses, M6, vaut mieux mettre en règle et pas faire bêtise. Faut des mains en l'air, j'ai le son qui braque. Quand j'arrive, faites pas les marioles ou je tape. Les mains en l'air, quand je sors ma plaque. Que tout le monde bouge, sinon je mets des coups de matraque. L'individu que je recherche prétend venir du ghetto. J'ai des dossiers sur son dos, son pseudo c'est MC Gusto. Je vais voir mon indique qui me dit. Je connais pas, je suis plus dans la musique. J'ai dit. Tu veux que je te coffre pour ta bling bling en plastique? Mais c'est bling bling, dis-toi. Elle est pas dans mon registre, il finit par me dire qu'il sait où il enregistre et que le prénom d'MC Gusto. Bah en fait c'est Régis. Un peu plus tard j'arrive au studio. J'arrive, j'ouvre la porte et je vois une bande d'idiots. Avec toute la panoplie, basket, baggy. Certains de marque Foubou alors c'est interdit. D'autres portent des marques françaises avec un gros logo. Genre street Kairaware, se croit ghetto. Personne sait que je suis un keuf, je suis sous couverture. J'en repère un dans la bande, je sens une ouverture. J'ai dit, je suis producteur, que je ne parle qu'anglais. Il me dit, one love man, keep it real, pas de problème. Puis me dit bonjour avec un chèque qui dure longtemps. Je me dis que je suis sur la piste, j'en ai plus pour longtemps. C'est l'inspecteur d'ici. Quand d'enfoirés, j'ai un flic et je vérifie les flows. Les clips, l'inspecteur d'ici, car à tes fesses, M6, vaut mieux être en règle et pas faire de bêtises. Faut des mains en l'air, j'ai le sang qui braque. Quand j'arrive, faites pas les marionnes, je tape. Les mains en l'air, je mets des coups de matraque. Donc sur les traces de Gusto, qui se rappelle Mainstream. On me dit qu'il donne une interview pour un magazine. un genre de magazine hip-hop. Style, rap, groovy. En couve ne mettre que des gens qui marchent même si c'est pourri. Pour parler de la black music, on employait des noirs. Pas pour écrire les articles, mais pour nettoyer le soir. Bref, dans les locaux, je repère MC Gusto. Lui laisse ma carte et lui dit de m'appeler au plus tôt. Donc je dis que je suis producteur et que je fais des auditions. Que je vais à MC Technique, dit mais le son garçon, aïe, ghetto H bitume dans Nord, cap 8 poules. Grain de café, nous on aime les fumes de boule. Là je vais faire une phase technique, bel ex, ça va aller vite. C'est l'inspecteur d'Isis. Quand d'enfant et j'suis un flic et je vérifie les flows et les clips. L'inspecteur d'Isis. Gare à tes fesses, M6, vaut mieux être en règle et pas faire bêtise. Mon des mains en l'air, j'ai le sang qui braque. Quand j'arrive, faites pas les marioles, je tape par les mains en l'air. Quand je sors ma plaque, que tout le monde bouge, sinon j'mets des coups de matraque. C'est l'inspecteur d'Isis. Inspecteur d'ici, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, Radio Metal. Oui, on commence dans 15 minutes. C'est toi qui va commencer, Johan. 15. Je vais chercher les gens en bas. Oui, oui, vas-y, vas-y. Tu peux. Tu te laisses ça, tu mets la musique. Ouais, je chanterai deux chansons. Je veux du café. Alors c'est Bad de Michael Jackson instrumental. C'est super ta musique, elle est intelligente. Il faut que tu fasses DJ système solaire. Tu amènes là-bas, DJ K, ta musique dans les autres planètes et tu leur montres la musique de cette planète. Après, à Blackie, t'arrêtes à trouver. Fais voir. C'est quoi, c'est quoi le. Ah, Spotify, je sais pas si. C'est Spotify. T'as pas YouTube, Martin ? Si, mais sinon YouTube, on peut le mettre aussi. Tu as mis Play ? Ouais. Il est bien connecté, les gars. C'est mieux YouTube. Ah ouais? Oui, mais c'est pas là, on peut pas le faire. Et sinon, il faut notre câble, il faut noter ça. On a noté le jour, on a il faut les câbles, tu vois, double RCA. Double RCA. Hein. C'est ça, hein? Double RCA. Mini jack. Il y a quelque chose. Allô, c'est ta voix, Martin, c'est la voix qui t'entend. Ne fais pas des bêtises, Martin. Fais de la poésie. C'est vrai. Ah, tu sais que c'était inspiré d'un chorégraphe musiciens, hein, tous les noms de Michael Jackson, c'est un chorégraphe des années 20. Ah, c'est un chorégraphe des années 20. Qui a créé le prototype du mouvement. C'est moi, la base. plus fort. Elle est là, cette gueule. La vois si près de moi, cette gueule. Bébé, t'es là. Ce soir, c'est toi. Entre nous deux, y'a pas poussé. Quand tu me mets bien, cette soirée est nice. Elle est là, cette gueule, tout près de moi. De la voix en image, c'est pas possible. Détaillé, t'es gueule. Elle est là, cette gueule. Mets les paroles. Ouais, c'est une mauvaise chose. Mets les paroles là. Les deux, ouais. Alors. Yo, je suis Johan, un vrai mec des quartiers nord de Bondy. Le futur m'appartient, je prends pas ça en sérieux. T'as compris, le succès est là. Ça commence tout. Non, je me mets les paroles avant. Chante. Love, baby. Je vois cette odeur là. Ah ouais, c'est vrai, j'ai rien à faire, c'est vous, j'en suis. Ouais, c'est ça. Yo, je suis Johan, un vrai mec des quartiers nord de Bondy. Le futur m'appartient, hey girl, hey. C'est toi qui m'as mis bien cette soirée-là. T'as chanté Latino ? T'as chanté ? Non ? Ouais, mais il la ramène plus. Yo. Yo. Yo. Eh, je suis Johan, un vrai mec des quartiers nord de Bondy. Le futur m'appartient, je prends tout ça. Eh, je suis un idole. T'as compris, le succès vient de moi, eh. Ça commence tout bas à la maternelle. J'en ai rêvé, mon père qui est aux cieux, eh. D'être un putain d'acteur, eh. Un vrai putain, mec de Bondy, bon, eh. J'ai ça dans le cœur, eh. J'entends même plus l'instru. Ça commence tout pas à la maternelle. J'en ai rêvé mon père qui est aux cieux d'être un putain de bonhomme dans cette terre qui est habitée par le mal. Et j'applaudis mes ennemis. Aujourd'hui je suis motivé à faire du sale. Et j'suis un vrai négro de Bondy. C'est ça le 93-140. Pas le temps de faire le show. Et on a glissé dans le côté obscur de la flanque. Ouais. Ok. Oh, j'entends rien, mais c'est pas grave. Bonjour, Tacita. Ok. Ouais, j'entends rien. Pourquoi j'entends rien ? Radio Metanoia, on est ici sur une radio Metanoia. On est ici sur la radio Metanoia. Eh, on est là, on a ça dans le cœur et c'est ça. C'est toi qui commence des zones. Ça a commencé. Ok. Ok. Ouais, Jason. Ouais, Jason. Bonjour. On est sur Radio Metanoia. On est. Daeku za top, nikad neće ništa slatko, ne treba je Photoshop. Kad obuče suklju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Njena lista uvek ista, znači ništa turbo fot. Šatro sluša samo mene i još jednom ne znam kog. I na traku kad se penje, tebra izgleda ko bog. Ja bih zimi da je grejem, ona kaže mi majok. Proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba je Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Bog vedan. Paš. Ene putinje ne fali. Šta moja beba radi sad? Paš. Diskotek, muzik. Comment? Ah, ah. Un quoi? Viva Serbia! Viva Serbia! Viva Serbia! Viva la Serbe! Viva la Serbia! Viva la Serbia! Viva la Serbia! Viva la Serbia! Viva Albania! Albania! Albania no! No! No! Fu! Albania fu! Albania fu! C'est vrai! C'est vrai! Pas Kosovo, Albanie. Ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls dans la tête. Albanie n'a pas mangé président de Serbie. Pas toi. Toi aussi, t'es albaniste. Toi aussi, t'es je pas. Fou, je toi, me toi, fous. Toi aussi, t'es pas tout seul dans mon, la tête. Mon bébé ici est français. Bébé ici et tout mon ça. Moi, je suis français. T'es français. Français, oui. Papier français. Albanais pas mangé, président de Serbie, j'ai mangé. Il est bien. Très bien, ouais. Ça fait longtemps que t'es en France. Tu t'es envoyé. T'as juste la plante. Ouais, pourquoi pas. Ça marche, vas-y. Ça fait longtemps que t'es en France. Ça fait comment? Combien France? Combien? Moi, arrivé 2000 ici en France. 2000. Pas d'école, arrivé à hôpital, hôpital papier. Mon travail ménage, pas de police, moi. 2000. Mon pas de police. Hein. Ouais. Moi. Quand je te vois, baby girl, j'ai l'impression de planer dans les étoiles. Tu m'as mis bien cette soirée là. C'est pas comment te dire comment je t'aime. Et entre nous, c'est fou comment on a ça dans le cœur depuis bien longtemps. Ma girl, tu vois comment on est posé. On a ça dans les gènes depuis bien longtemps. C'est pas ma musique, ça. Hein. Your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99 and it's a shame. Don't even know. Yeah. Everywhere you go, they stop and stare. Quand je vois Quentin s'influencer avec moi, ouais. Il a ça dans le cœur, il aime la série 4, ouais. Il a été posé en train de faire du sale, ouais. Oui. Moi, content beaucoup Serbia. Moi, content beaucoup Serbia. Vive la Serbia. Vas-y, d'abord, t'as dit. Ah oui. Oui, il est sorti, mais c'est Cesbron, il est sorti. Non, il est devant, je crois, il est en train de fumer, ouais, il est parti. Je veux pas contrôler, faire la radio en même temps, hein, les gens qui s'en sortent. C'est vous qui vous êtes à l'accueil, pas moi. Ah, c'est pas moi, c'est moi qui vous voyez. Ouais, mais moi non plus, mais je sais pas qui peut vous voir. Moi, j'appelle l'équipe. Il est parti l'équipe. Mais il faut pas les laisser sans surveillance. Moi, je suis pas surveillant, moi, j'ai fait la radio. Mais moi aussi, je suis pas surveillant. Moi, je vais aller aux toilettes. Et s'il arrive un pépère, moi, c'est pas moi qui suis responsable. Mais moi, je peux pas, vous allez faire tout. Regardez, j'ai fait la radio, je fais le technique, j'ai appelé les gens. Je vais pas contrôler. Pourquoi me poser des limites? Je ne rentre dans aucune case. Nek noće zgori Balkan, nek laju svi, ti ne brini, što poželiš, ja da ću ti napriđi mi, dok krvi vri, da poludim, sve razvalim. Vive la Serbia! Și acum, pentru toată lumea, cântă! Ona dikeš mani mani, nek se noća slavi, kad nismo sami, kad ti srce za galami, ne poživi s glavi. Šta puca ne daj nikada da luta, neka kija je luta, dok smo mladi. Artista, artista, artista. Tea! Ok, ok, on s'ambiance, okay, okay. On a ça dans le cœur depuis bien longtemps. Okay, quand okay, j'ai okay. ça dans le flow, eh, j'ai un bon son. Okay, okay, avec okay. toi, eh, allez, ça, eh. Copita, ma stai briga, sa kimia, skita mi sa coca, no chuya, palito, skita. Ma vie elle est posée avec toi mon bébé. Comment t'es là, comment je te vois en toi et moi. Yalla yalla. Ne cry aussi, finébrini. Yalla yalla. Alhamdulillah. Ok, ça commence là. Bonjour, bonjour, Radio Matanoia. Alors, on est heureux de vous accueillir pour ce jour-là, mercredi. On va présenter nos invités. Déjà, il y a Jason. Jason, comment vas-tu? Ça va? Ça. Tranquille? Ok. Vous appelez comment, madame? Ah, j'ai un micro. Je m'appelle Christiane. Ok, enchanté, Christiane. Hein? Ça va? Enchanté à vous tous. Tu t'appelles comment? Luka Tachif. Ok, Albanais. Enchanté, enchanté. J'entends beaucoup Serbia. Vive la Serbia! Viva! Viva! Viva! Serbia champion! Yeah! Attends, tu t'appelles comment? Bastien. Micro. T'appelles comment? Bastien Vegère. Enchanté, Bastien. Ça va? Ça va. Tranquille? Tu vas parler de quoi aujourd'hui à la radio? Je vais parler qu'il y a une affiche qui dit j'y crois pas, magie de sorcellerie en janvier, février à la bibliothèque de Bondy, rencontre d'exposition, spectacle de la magie. Après, ils disent hallucination, Rémi Berthier. Pour proposer l'hypnose et interroger, suffit d'y croire. Renseignement 01-89-74-59 le samedi 28 janvier 2023 à 16h à 18h. Atelier scientifique vous remet des questions en disant de magie. Une profession, vous savez, ils vont tous. Le journaliste Jean-Christophe Piau, à travers des objets d'étude de ceux qui croient à la magie, que s'expliquait aux scientifiques. Renseignement le samedi 2023 à 16h-18h, public à partir de 10 ans. Avec des tours adaptés à chacun, Marigot passé à l'autre côté du miroir, simple, avec du matériel facile à trouver, à peu cher, devient prestigiateur. Après la démonstration du magicien artiste, Herba a présenté les tours à prix. Regarde bienveillant groupe Marc qui saura mettre en valeur les binômes par enfant pour les enfants 7 à 9 ans. À leurs parents, conditions d'accès, renseignement, réservation obligatoire à partir du 4 février du 01-89-74-55-91, tout public. Merci, merci. Et ensuite, on a qui à côté de moi? Fatoumata. Comment? Fatoumata. Ok. Tu vas parler de quoi aujourd'hui, Fatoumata? Tu vas faire quoi aujourd'hui? Moi, je vais parler de rien. Tu vas parler quoi? De rien. Des? Rien. De rien? Oui. Mais il y a beaucoup de choses à parler. On est à Radio Matanoia. Je vais chanter. Enfin, tu vas chanter de musique ou... Oui, c'est ça. D'accord. Tu vas chanter quoi comme musique? Non, c'est bon. C'est bon? Ok, oui. Ok. Bah, enchanté. Et t'es ça? C'est ça, tu veux dire quelque chose? Ça. Et on a. Tessa. Tessa. Tu vas parler de quoi, Tessa, aujourd'hui? Rien. On va parler de l'action radiophonique qu'on a fait lundi au CATTP. D'accord. On a distribué des roses aux habitants de Bondy. Ah, d'accord. Vous avez distribué des roses aux habitants de Bondy. Donc on va revenir sur ça. D'accord. On va avoir vos impressions. Ok. Bah, ça marche. Et Latino, prends un micro, c'est possible. Bonjour, tu t'appelles comment? Je me présente, je m'appelle Lini Altino Lima da Cruz. D'accord, tu vas faire quoi aujourd'hui, Latino? Bah, j'ai déjà fait pas mal de trucs déjà. Hein. D'accord. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste me présenter. D'accord. Ouais, système solaire, ouais. Oui. Là-bas, on m'appelle Tupac ou. Je parle de Tupac ou. Ok, d'accord, on verra, de toute façon, on verra. Bah, merci, Latino. Merci, Latino. Très bien, bah, on va démarrer par le programme. Hein. Tachib, où tu veux parler? Oui, Tachib. Moi, Tachip. Oui. Idée et moi. Idée personnelle pour moi. Bourron et qui fait et qui vrai. Pâche. Assez qui vrai nous vitons, assez qui vdes nous vitons. Tous les deux, une bourg, une mort. Une personne morte, une personne bourg. Pâche, fallait Poutine. Nous bot politique vêtement. D'accord. Politini comme ça, beaucoup politiciens ici. Pâche. Ça idée est moi. Moi handicapé maintenant. Il y a un handicapé explosé, Poutine, pâche. Ok, ok. Tu peux dire ta prière contre Poutine, comme tu l'as fait l'autre fois. Complémente. Maintenant, une seconde. Ça, c'est moi que c'est beau. Gaz, drill, pain, baguette, économie ici, ça fait beaucoup, super problème. Pâche maintenant, elle est poutine de faire, tape trop, c'est dans une pyramide. Pas vrai, dans le pot. Kot fare në të vërëp. U fëmë, ja, virus, pra, virus, mortë, sa solucion, Putin, pash. Putin, shkenstar. Ok. Shkataroj bombët atomika, pash shkenstar, kompletor të kush. Armët bërthamore, fini. Ok. Sa se mokë e rëgarde politikë amerikanë. Ça marche. Et nous avons aussi Quentin. Non, Aider, fou. Et nous avons aussi un autre invité. Nous avons aussi un autre invité. Zot. Docteur, complémente. Une personne nègre, une personne grande. Ça, c'est seigneur, Zot. La guerre, c'est de la connerie, c'est tout, c'est simple à dire, mais c'est vrai que c'est complètement con, quoi, de voir qu'à côté de chez nous, il y a des gens comme en 14-18, avec tous les traumatismes qui nous remontent encore dans la gueule depuis 14-18, 40, et là, on est en train de faire la même chose à côté, mais ça va être encore particulier. Et si je peux me permettre, docteur Hérault, c'est peut-être... Alors, hier, j'ai entendu une émission à la radio où un gars, en 2018, il disait, mais le Gazprom, c'était déjà prévu comme ça, ils ont prévu, à partir du moment où Gazprom aurait... fait leur aqueduc, là, ils ont pris ça. Et l'autre, en 2018, il dit, à partir du moment où le gaz ne passera plus par l'Ukraine, Poutine va déclencher la guerre de manière à soit refaire que l'Ukraine revienne en Russie, soit la détruire totalement pour que l'OTAN la transforme. Ils sont en train. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir que... Enfin, c'est pas marrant, mais en 2018, la personne explique ça. C'était à la télé hier soir. Bon, je regarde pas la télé souvent, mais c'est vrai que tu te dis, il y a des gens qui ont des prédictions politiques simples de calcul en disant... Avec Gazprom, c'est une arme de guerre. Et les autres disent, mais non, c'est pas bien grave, c'est du business. C'est comme avec Total, docteur Hérault. En France, Total, c'est la même chose. C'est le même bordel. C'est pour ça qu'il y a eu les opérations militaires... en Centrafrique, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Total. Mais c'est vrai que là, je récite mal son d'hier. Intoxiqué par la télé. Et du coup, si je peux me permettre de rebondir juste sur ce qu'a dit Dr. Hero, en fait, je trouve en ce moment qu'il y a une telle banalisation de la guerre. Et ça revient avec ce qu'on disait il y a deux semaines. On va finir par y aller. Sur le suicide, on parlait du suicide. Et je trouve que la mort, elle est devenue terriblement banale. Là. C'est-à-dire que, je sais pas, Il y a un climat en ce moment où la mort est devenue banale, la guerre est devenue banale. On voit les reportages en Ukraine, mais j'ai l'impression qu'on n'y est pas sensible. Tant que ça ne nous touche pas, on est content. Et du coup, je trouve ça dommage, quoi. Alors c'est vrai que moi, ce qui me choquait le plus, c'est paradoxal, c'est comme au moment où la guerre contre l'État islamique, on voyait des espèces de fusées partir ou de missiles, et puis on voyait le mec barbu sur son truc, et puis plof, on voyait exploser sa tête. Enfin, tu te dis, mais j'hallucine. Et puis les mecs, ils disent, ouais, un petit peu de stress traumatique quand on fait ça au début, c'est comme nous, des jeux vidéo. C'est nous aussi, Selby, ils ont ajouté la bombe, ils ont galéré chez nous aussi, en Serbie. En ce moment 91. Ah oui, oui, à l'époque, c'est, bah oui, il y avait tous ces stress et puis même les camps de concentration. 91, etc. Après 90. Je ne sais pas deuxième fois, c'est quelle, mais première, 91. Bah oui, en 91, on parlait aussi beaucoup de la guerre. Vous n'étiez pas là, Quentin, mais c'est, nous, on guerre, était dans les squats guerre, et tout. Il y en a qui partaient après, là-bas, mais enfin, ils ne savaient après, pas s'y revenir. Hein. Ça, c'est Yougoslavie. Après, la galère encore. Pour maintenant, Monténégro à côté, Bosnie à côté. Avant, c'est tout ça, Yougoslavie. Bah oui. Donc, il y a eu des guerres ethniques, il y a eu et des camps de concentration. Moi, je suis petite, j'ai 7 ans, comme il est la galerie, mais il est resté dans mon tête, je n'ai jamais oublié ça. Ouais, donc vous avez un stress traumatique. Et c'est pour ça que j'ai regardé un truc hier. Et pourtant, attendez, on finit avec la, quand même son, peut-être son stress traumatique. Et en quoi vous avez eu un stress traumatique? Parce que qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Parce qu'on travaille beaucoup sur le stress traumatique avec Quentin qui discute pas mal de ça. Bah, j'ai stressé parce qu'ils ont ajouté la bombe à côté de nous. Ah bon? Et la maison, la fenêtre, il est tombé. Mm-hmm. Et voilà, c'est grave stress. Tout le temps, comme il arrive la sirène, t'es caché. Ouais, vous vous cachez par peur de, d'une bombe ou d'un bombardement. Voilà, voilà. Et après, on va le stress traumatique. Quentin pourra vous expliquer parce qu'il a travaillé là-dessus aussi. Et c'est vrai que après, on appuie sur le bouton, vous entendez une sirène, soudain vous mettez à délirer et soudain vous partez comme un psychotique sur un délire. Et vous en entendez fait, des voix. Je regardais un article hier sur l'Observatoire américain des maladies mentales. Ouais. Et en fait, il disait que par rapport au Covid, au contexte de guerre, etc., les multiples confinements, il y avait une vague de jeunes. Mais en Amérique, on touche 30% de jeunes qui sont atteints par la dépression, 30% qu'on pense au suicide. À 30% qui sont atteints par la dépression. Qui pensent au suicide aussi. Et du coup, les pouvoirs publics, comme en Europe, comme en France, sont dépassés par les événements et ça risque de marquer toute la génération au long terme, en fait. Et je me demande, moi, ce qui est fait pour les jeunes. Je sais qu'en France, on manque beaucoup de moyens pour aider les jeunes globalement. Et moi, qui ai travaillé pendant le confinement et qui, après, était patient en psychiatrie, je vois de plus en plus de jeunes qui sont atteints de dépression, de stress post-traumatique. S'ils sont atteints de post-traumatique, c'est parce que ça vient de la pensée. La dépression venait de leur pensée. Et il faut trouver une guérison à ça. Tu veux descendre, il faut trouver une guérison. Il y a plein, beaucoup sont tourmentés, mais parce qu'ils n'avaient pas la guérison. Alors, est-ce que c'est le même traitement pour des psychotiques, délirants, des hallucinations, ou est-ce que c'est un traitement différent pour des gens qui ont un stress traumatique? Est-ce que, par exemple, les neuroleptiques... Il faut guérir le stress traumatique. Ouais. Il faut guérir. Ouais. Alors, il y a ceux qui font à Nantes, là, les entendeurs de voix. Donc, je peux vous repasser. Vous en avez eu un chacun. Ou c'est en fait les patients eux-mêmes, parce que vous savez que la psychiatrie est en train de disparaître ou en train de revenir, ambiance années 60. Hein, je peux vous donner des exemples. Hein. Hier, je voyais un patient qui disait, ah bah tiens, j'ai trouvé un super traitement. C'était un des patients du docteur Lorenza Fierro qui m'a dit, celui-là, on n'arrivera pas à le sortir de là. Il entendait des voix, il avait une drépanocytose. Et hier, je le revois, il a repris le boulot, il s'occupe de son gosse et tout. Parce qu'il prenait un petit traitement style insomnifère Zopiclone. Je me dis, bah écoutez, s'il en prend un ou deux, voilà, c'est vrai que maintenant c'est considéré comme une drogue, mais si ça peut faire du bien aux gens, vous avez mal aux dents, vous prenez un produit qui vous calme, même si vous habituez. Ouais. Compétent en stress psychotrauma, et les traitements sont inefficaces parce qu'il n'y a pas la prise en charge adéquate à côté. Alors, la prise en charge, ce serait EMDR, c'est ça, plutôt que de reparler, parce que j'ai l'impression que quand on en parle en thérapie, en fait, on repart du traumatisme et on revit le traumatisme, et après, du coup, c'est l'angoisse et c'est les consommations de benzo. Il faut guérir ce traumatisme, il faut guérir ces... Eh bien, il paraît qu'il y a des... Enfin, je sais qu'il y a les thérapies avec l'EMDR où, en fait, c'est une déconnexion neurologique pour déconnecter pour éviter... éviter la théorie de l'embrasement, c'est-à-dire quand vous avez un stress, après, dès qu'il y a une sirène, dès qu'il y a un petit stress ou un truc qui vous rappelle, très que ça vous fait partir en boucle, et du coup, ça fait un peu délirant. Bah moi, pour être victime de stress post-traumatique, déjà, ça a découlé de mon métier. J'ai fait un métier qui n'était pas facile. Et c'était quoi votre métier, vous ? C'est compliqué à en parler ici, mais j'ai travaillé notamment pour le ministère de l'Intérieur depuis 3 ans, et du coup, c'est comme vous dites, en fait, je suis en hypervigilance tout le temps. Ouais. Et le moindre bruit, la moindre sirène, etc., je revis des événements traumatisants. Ouais. Et comment se sortir ? Alors, me guérir, c'est de me mettre dans les situations qui me font peur. C'est-à-dire que continuer mon travail, continuer à aller dehors malgré tout. Voilà. Ouais. Donc, du coup, ceux qui veulent, les entendeurs, à bon entendeur, salut. Hein, les entendeurs de voix prennent la parole. C'est-à-dire c'est des patients qui entendent des voix et qui disent, voilà, c'est pas parce qu'on entend des voix qu'on peut pas avoir une vie normale. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui entendent des voix, il y en a qui n'entendent pas des voix. Donc, ceux qui veulent voir comment les gens s'organisent entre eux sans psychiatre, hein, c'est-à-dire ils voient des psychiatres, ils font des psychothérapies, ils suivent un traitement, mais il y a quand même les voix, donc c'est quand même insupportable. La psychothérapie, ça guérit la personne. Oui, on essaye, mais... Ça guérit la personne, la psychothérapie. On essaye, tout au moins. On accompagne, voilà. Donc ceux que ça intéresse, voilà les articles. Alors ceux qui n'y croient pas ou ceux qui croyaient à la magie, en ce moment, il y a magie et sorcellerie à la bibliothèque de Bondy. Alors c'est sur un peu tous les gris-gris, mais les gris-gris d'avant du 19e siècle. La musique ? Oui. Voilà. Donc si ça vous intéresse, en ce moment, c'est une expo où il y a pas mal de choses, où il y a tous les... Voilà, c'est comme en Afrique, sauf que c'était en France. Comment ? Et un stand-up aussi. Et un stand-up aussi. Ah oui, il y a un stand-up. Ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est la magie. Là, c'est la magie noire. Et de l'autre côté, il y a la magie blanche. C'est même pas de la magie blanche, c'est un stand-up à la ferme Caillard le samedi 18. Samedi 18 février. Et c'est super sympa. Il faut encourager la ferme Caillard qui est publique. C'est carrément un service public. C'est en face de la médiathèque. C'est à côté de la boulangerie Danné qui a fait des super, en passant, des très bons peu, des très bons. Là, ouais, ils ont des petites brioches à 2,50€, vous pouvez en amener une, c'est même pas 1,50€ et vous nourrissez tout Métanoïa. Dans une nasse, dans une manifestation à Paris. Alors que j'allais acheter un gâteau au chocolat, alors que je ne manifestais pas pour la retraite, j'y suis depuis le 1er février. Du coup, moi, je voulais questionner ça, en fait. Mais je suis avec eux de tout cœur. Hein. C'est que la violence, elle était prégnante dans les vidéos qu'ils m'ont envoyées. Il y avait les CRS qui chargeaient, la police, etc. Je ne me suis même pas rendu compte, j'allais chercher mon gâteau au chocolat. C'est ça. Enfin, une tarte au citron. Et je trouvais que Dr Hérault, il n'était pas tant perturbé que ça, en fait. Mais maintenant, j'ai un stress traumatique. Et du coup, je trouvais qu'il n'était pas tant perturbé que ça. Et ça révèle la violence ordinaire auquel les gens ne font plus attention, c'est devenu banal, quoi. Oui, enfin... Parce que s'il y avait une violence dans ces manifs, c'est parce qu'il y a un mal qui s'est révélé dans... Oui, mais là, tout le monde me disait non, mais il n'y a eu aucune violence et tout, c'était vraiment très bien. C'était très violent. Alors, je descends de chez moi pour aller à gâteau au chocolat. Descendez pour vos gâteaux au chocolat. Voilà. Non, c'était pour une tarte au citron. Mais, une tarte au citron, vous avez pris. Boulevard Voltaire, boulevard de Charonne. Et en fait, moi, j'allais juste ça, donc ça fait vraiment le mec un peu rigide, vous voyez ce que je veux dire. Le mec a une idée fixe, quoi. Voilà. Je vais chercher mon gâteau au chocolat. Il a fait une très belle vidéo et je lui avais dit qu'il pouvait être street reporter. Oui, j'étais en vélo, c'est vrai. Et après, les gens, quand ils vous disent, oui, bon, t'as acheté un gâteau au chocolat, on t'avait demandé une tarte aux pommes, tu dis oui, mais enfin, vu l'état dans lequel... C'est intéressant. Voilà, mais c'est vrai que du coup... C'est galère. Qu'est-ce qui est galère ? En fait, Sania s'ennuie dans la radio. Ah, ben vous allez chanter une petite chanson pour un peu... Une petite chanson slave. Ben oui, c'est galère. Alors, une petite chanson, allez. En tout cas, juste pour conclure, moi, je voulais dire que la violence, elle est devenue banale dans ce pays. Et dans le monde entier, elle est devenue banale. Non, c'est pas normal. Non, c'était pas normal. Il faut se délivrer de la violence. C'est ça. Il faut retirer. Quand la violence, elle est devenue banale en France, mais il faut retirer cette violence qu'on a en soi. Ce mal, cet orgueil qu'on a en soi. Il faut venir à Métanoïa. Moi, j'ai pas trouvé que c'était très violent. Hein. J'ai eu mon gâteau au chocolat, mais j'ai eu l'impression que c'était une espèce de prévention, justement, d'une éclosion de violence. C'est donc, ça, je l'ai pas senti hyper violent. Moi, je discutais avec tout le monde. Non, mais les images sont violentes en elles-mêmes. Ça a fait un petit mouvement de foule, ça explose de partout, mais quand on est au milieu, on s'en rend pas compte. Après, tu te dis, mais j'aurais pu me prendre une grenade dans l'œil ou un truc comme ça. C'est ça. Voilà, c'est il faut, ça. Il faut quand même y réfléchir. Sauf que quand tu t'en es jamais pris ou que t'es pas au courant. Et j'ai une question pour Dr Hero. Est-ce que vous pensez qu'il, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un manque de prise en charge et de personnel compétent à des prix abordables pour la psychotraumatologie? Ah ben ça, et c'est sûr. Hein, moi, je pense qu'avant, faire de l'EMDR, c'est plus souvent. Parce qu'avant de vous rencontrer, Dr Hero, je m'étais heurté à plein de psychiatres qui me croyaient pas. Vous avez été le seul à me croire et je me retrouve bien démuni encore malgré votre aide en fait. Oui, mais je sais. C'est-à-dire qu'à part payer 150 euros de consultation en EMDR, j'ai pas de solution. Ben voilà. Qui ne sont pas remboursés en plus. Donc il faudrait voir où vous pouvez aller en EMDR gratos quoi. Il faudrait former des psychiatres comme vous et des psychologues qui travaillent en institution. Ah, tu penses que ça marche pas? Bah moi en fait pour avoir fait le docteur Jacques Vigne qui a passé 20 ans là dans la grotte en Inde, Martin, il me disait pour avoir ça fait une séance, j'ai fait une séance de MDR, j'étais en pleine crise à la clinique de l'Abbaye et de travailler sur les mouvements oculaires et de tout lâcher en pleurant. Et ben j'ai dormi plus tranquille. Après sur le long terme certes ça ne marche pas. Mais c'était le MDR que vous avez fait chez Antoine Médinger là-bas, voilà, à la clinique avec de l'Abbaye. Remplaçante, docteur. Et c'était gratuit du coup. C'était vous avez, gratuit. Vous avez rien payé. C'était dans le cadre de la clinique. C'était qui faisait ça? Docteur Diawara, sa collègue. Docteur Diawara. Donc ça marche, mais ça marche sur le long terme, pas longtemps. Ça ne marche pas. Ça soulage le moment de crise. Vous allez nous chanter une chanson slave? Donc du coup Sania va. Ça nous met trop mettre de la joie vos chansons slaves. Et un dernier truc, toujours la troquette, ceux que ça intéresse, vous pouvez faire des petits cadeaux, aller trouver des livres. Pour pas cher. C'est 135 rue du Chemin Vert. D'ailleurs, Martin avait trouvé un étui à saxophone qu'il n'est toujours pas allé chercher, qui est toujours là-bas. Imam njega i sve što sam htjela, a ja želim tebe jer to ne bih smjela. Ça met de l'ambiance au slav. Allez là. Tu te passes une marche, tu casses de la maîtresse. Criez-moi ce nid, ou que les autres maya. A quoi ça se n'a même pas chaya. A quoi ça se n'a pas prévalé moyen. Potslache, c'est vous qu'on est soyé. Niko ne zna ko se tamo spava i da te ludo voli žena od sutana. Ni da volim, ni da ti odolim, srce sam ti dala neka od glava. Zavide mi jer sam prva dama i klanjaju si jer sam žena od sutana. Imam njega i sve što sam htjela, a ja želim tebe jer to ne bih smjela. Ça met de la joie. Chante bien, hein. Chante bien. Merci. Tu veux pas faire chanteuse, toi? Tu veux pas faire chanteuse? Vas-y. On va faire chanteuse. Elle aussi, elle chante. Ouais. Comme un oiseau. Attends, mais faut mettre un micro. Oui, vas-y, faut pas la trop parler. Oui. Quel numéro de micro? 4. Oui, je suis là, je vais bien. Je remercie à tout le monde parce qu'on est ici, on est ensemble pour faire beaucoup de choses. Ah, c'est ça. Ah, moi je veux chanter. Et moi je voulais juste dire quelque chose. Martin. Je voulais juste dire quelque chose. En fait, je voulais dire que je suis fier de Fatoumata parce qu'elle a pu aller à la mission locale il y a quelques semaines. Et elle va s'intégrer en France dans le parcours d'éducation, d'école, et elle va devenir une grande personne. Parce qu'elle s'est battue, elle est arrivée à Villers-Évrard, on ne savait pas trop pourquoi, que si elle allait mieux, et je la trouve de mieux en mieux. Et grâce à sa force et sa persévérance, elle va y arriver. Voilà, donc bravo Fatoumata. Alors du coup, on a Bastien, un fidèle participant de la radio, qui va nous faire une petite chanson, peut-être chrétienne. Une chanson chrétienne, Bastien ? Non, autre chose ? Alors s'élève un chant. Alors mon être, alors s'élève un chant. Que le ciel, le tonnerre, cœur matin, créé par ton pouvoir. Alors mon être, alors s'élève un chant. Que Dieu d'amour, que Dieu est bon. Voilà. Continue sur Radio Métanoïa, ici tout le monde est joyeux. Oui, j'ai eu une illumination mystique ce matin. Oui. Je me suis dit ce matin, si Dieu existait, il aurait fait mon lit. Ah, si Dieu existait, il aurait fait ton lit. Ouais. Non, mais ça, c'est un peu plus doux que les histoires de guerre ou les gens qui ne croient plus en Dieu après la Shoah, par exemple, ou après la guerre en Ukraine. C'est quand le micro. Mais c'est pour ça que tu délires, parce que si on n'a pas de lit, on délire. Délire. Voilà, délire. Vas-y, Bastien. Parce que vous avez dit, si Dieu est avec vous, il vous a aidé à faire votre lit. Non, si Dieu existait, il a fait ton lit. Ouais. Dieu est une force impalpable et Dieu ne se voit pas. Dieu, c'est une croyance et c'est une force. Il ne se manifeste pas dans le monde de tous les jours. À moi. C'est une croyance. Oui, mais c'est les invisibles, c'est comme la radio. Hein. Je crois dans un Dieu radiophonique. C'est un Dieu qu'on ne peut pas voir, mais il y a les ondes. Il est partout là. Ce n'est pas un lien d'Altignon ? Les ondes, c'est ce que ça renvoie à toutes les forces. Ouais, attends, Lille d'Altignon veut nous parler un peu de sa chronique système solaire. De quoi ? Système solaire. Des ondes radio. Bah, y a ADO, il y a Génération, il y a quoi encore ? Il y a Radio Nova, il y a quoi encore ? Il y a Skyrock, il y a Énergie, il y en a plein. Mais dans les systèmes solaires, il y a quoi ? Dans le système solaire ? Oui. Comme planète ? Oui, et quelle radio ? Est-ce qu'il y a la radio dans le système solaire ? Non, c'est la radio universelle, oui, il a raison. Il transmet quoi comme musique ? En fait, l'univers, c'est comme l'opposé du système solaire. Ouais. C'est comme l'opposé du système solaire, l'univers. C'est quoi la différence ? La différence ? Que je la connais pas. Qu'est-ce que tu peux nous raconter des systèmes solaires ? Système solaire, bah, par exemple, quand il fait très chaud, soit on a des envies sexuelles soudainement, soit quand il fait très chaud, t'es obligé de mettre à l'ombre, de mettre de prendre une douche à l'eau glacée, ou sinon tu transpires, ou je sais pas, sinon on transpire, ou comme ça. D'accord. Tu as des amis là-bas? Ouais. Comment ils s'appellent tes amis en système solaire? J'ai un copain qui s'appelle Enzo. Oui. J'en ai un qui s'appelle Juan. J'en ai un qui s'appelle Jesse. J'en ai un qui s'appelle Michael. Ah oui. Et ils font quoi? Ils travaillent? Ils font quoi? Non, ils travaillent pas. Ils font rien. Ils font rien. Ils se promènent, quoi. Ils gagnent l'argent comme ça, normal. Il y a de l'argent dans le système solaire? Il y a la croûte rêve qu'on appelle l'NDPH ici. L'NDPH du système solaire? Non, la croûte rêve, c'est l'NDPH dans le système solaire, oui. Ah oui. Ah d'accord. Donc ils vivent un peu sans travailler, juste avec des aides de la côte rep. Ouais, avec des aides de la côte rep. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des plages là-bas? Il y a des plages, il y a tout ce qu'il faut. C'est un peu comme ici. Ouais. Hein? Mais c'est mieux, c'est pareil. Bah moi quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé le paysage beaucoup plus évolué. Ouais. Mais sinon c'est un peu pareil. Un peu pareil. Mais tu préfères être là-bas ou ici? En été, je préfère être ici parce qu'il fait très chaud là-bas. Ouais. Mais en hiver, je préfère être là-bas. Oui, faire un peu les deux, quoi, l'aller-retour. Ouais. Tu es un peu comme les journalistes de Système Solaire qui vient ici. Non, pas comme les journalistes. Je viens de mon propre volonté. Oui, enfin, ici, pour nous, quoi, la radio, tu peux nous amener des nouvelles du Système Solaire. Ouais, je fais des connaissances, je fais des comme ça. Ouais. C'est cool ce que tu nous amènes. Est-ce que tu as une nouvelle de Système Solaire là, tout récente? Une nouvelle tout récente? Ouais. Bah, ils ont découvert des planètes. Ouais. Ils ont découvert des planètes blanches, planètes blanches, terre blanche glaciale. Ouais. Ils ont découvert une nouvelle terre. Oui. Ils ont découvert une nouvelle planète Terre. Et ils ont découvert la galaxie. Ils ont découvert des galaxies. Et c'est comme ça. Ah oui. Est-ce qu'il y a de la place pour nous, les métanoïaques, là-bas? Au système solaire? Oui. Ça dépend comment vous rentrez ou comment vous rentrez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer? Bah pour rentrer dedans, il y a les arbres qui se téléportent, ils arrivent là-bas. Mais le problème, c'est que s'ils se téléportent et qu'ils arrivent là-bas, il fait 33 000 degrés, et ben ils peuvent devenir noirs. Ah oui, 3 000 degrés, il fait là-bas. Ah oui. Ouais, ils peuvent être brûlés. Ah oui. Totalement brûlé. Et donc, mais toi, comment tu fais pour te protéger et voyager et pas mourir de chaleur là? Moi, je mélange les deux. Je mélange la chaleur et la fraîcheur. Ah oui. Tu fais comme ça, chaud froid. Ouais. Ouais. C'est ça. Hein. Je mélange les deux. C'est cool. Est-ce que tu pourrais nous amener un jour au système solaire hein, tous ensemble? Si je peux, ouais. Pourquoi pas? Attends, micro, Bastien. Ah, si tu peux, tu peux apporter le système solaire. Ouais. Non, si je peux, je peux vous ramener là-bas. Est-ce que tu as envie d'aller au système solaire avec... Ah, mais j'aimerais bien aller au système solaire avec toi. Ouais. Ah, si je peux un jour, je te ramènerai. Ouais, il faut qu'il nous amène au système solaire, tous, avec Ignatinho, on faire un voyage au système solaire. Moi, pour y aller, je dors et j'apparais là-bas, tout simplement. Ah ouais. C'est dans les sommets qui te apparaît. Non, moi, je dors et j'apparais là-bas après. Mais oui, mais c'est ça, hein. Donc on peut faire quand on dort, on va te dire Ignatinho, amène-nous au système solaire. Boum, on part avec toi. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut amener pour un système solaire? Il faut ramener de l'eau froide, faut ramener des trucs froids parce qu'il fait très chaud. D'accord. Il fait très très très chaud. Donc il faut amener quoi, de la glace, des glaçons quoi. Ouais, faut ramener des trucs froids. Un iceberg. Ouais, des trucs froids, c'est ça. Ouais, parce qu'il fait chaud, il fait chaud là-bas. Il fait chaud. Ouais. Donc on va amener quoi, un iceberg? Non, pas un iceberg, de quoi vous rafraîchir quoi. Ah, de quoi se rafraîchir, oui. De l'eau bien, bien froide. Ouais, voilà. Et en maillot de bain. Ah, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Enfin, on part tous bronzés au système solaire. Voilà. Merci, Ignatinho. C'est la chronique du système solaire. Merci beaucoup. Maintenant, il y a Jason qui est rentré de Qatar la semaine dernière. Et là, il est parti de l'autre bout. Attends, micro, tu peux dire? suis parti. Oui. Parle de où tu es, tu es où, Jason? Ah, j'étais au Qatar. Tu étais au Qatar, mais après du Qatar, tu étais où? Je suis parti en Ligue des Champions. Oh, tu viens de Ligue des Champions, tu as vu quoi comme match? Le PSG Bayern. Bayern? PSG. C'était un gros match hier. Ah oui, tu peux nous raconter entre un peu ce que tu as vécu? Ouais. Tu peux nous raconter un peu? Il y a eu un but refusé de Mbappé. Ah, c'est un but. Il y avait un but hors jeu de Mbappé. Il a été refusé hors jeu. Ah oui. Et pour toi, c'est juste ou pas? Pour moi, c'est pas juste. Il aurait dû être. Le but devait être accordé. Il aurait dû être accordé. Hein. Ah oui, ouais, ça, d'accord. Mais ça arrive c'est comme ça. C'est l'arbitrage, hein. Il y a un truc. Ouais. Hein. Et qu'est-ce que tu as pu rencontrer des joueurs là-bas? Tu as pu rencontrer des autres joueurs là-bas? Non. Vu, ils n'ont pas voulu me voir. Comment ça se passe pour toi? Ils n'ont pas voulu te voir? Ils n'étaient pas dispo. D'accord. Ils n'avaient pas envie aussi. Ils n'avaient pas envie. Ouais. Bon, et tu veux quoi? Tu veux nous mettre une chanson, ça? Ouais, voilà. Vas-y, mais tu veux un câble pour la connexion ou quoi? Non, c'est bon, je mets là. Comme ça. Tu penses que ça marche? Ouais, je pense que ça marche. Ça marche. Sinon, il y a Tajid qui va faire la musique. Je peux faire une annonce juste avant la musique. Attends, vas-y. On cherche un chat pour Madame Cotin parce qu'elle a perdu son chat qui est mort la semaine dernière. Donc, Madame Cotin, c'est la dame qu'elle a, Christiane. Donc, si vous avez un chat, n'hésitez pas. Elle n'est pas allergique. We only mistake, we're just standing stones, to take us where we wanna go, please never say no. Sometimes we gotta bleed, and think for someone else, to get a little help, until everyone, wherever you love to live, you know what you want me, I'll wake up for a trophy. Je vais gérer un dernier truc. En fait, au système solaire, moi, je suis soit l'inventeur de la cigarette ou soit l'inventeur de la lumière, les lumières comme ça, là, les trucs comme ça. Un des deux. Ah oui. Soit la cigarette. Ouais. Ou soit les lumières. Moi, je pense que plutôt la lumière. Moi, je dirais la lumière parce que chaque fois que je croise Ignaltino, il est tout le temps heureux. Et même la nuit, en fait, on le voit. Il y a tout le temps une lumière. Il y a tout le temps une lumière en lui. La nuit, il est là. Je le croise dehors en train de fumer. Il est tout le temps là, bien et tout. Je dirais la lumière. Ouais, la lumière. Ignaltino, la lumière. Tu une chanson, Quentin ? Ouais, j'avais noté. Du coup, je vais vous partager une chanson d'un jeune rappeur qui s'appelle Suzuya. Je sais pas si tu connais Johan. Suzuya. Je connais pas. C'est pas une de ses chansons les plus connues, mais c'est une chanson qui est assez électro, assez speed. En fait. D'accord. Ouais. C'est et un tu vas. Trash, c'est un peu trash, mais c'est pour vous faire des cours. C'est grand. Et tu vas chanter en même temps, Quentin ? Non, je pense pas. Chante pas ? Il faut chanter un peu, sinon c'est pas la peine. Attends, mais il faut la chercher un peu, Quentin, donc on va parler de choses. Bloody Leslie de Suzuya. Ouais, mais. Bloody Leslie. Bloody Leslie, sanglante Leslie. Ouais, mais est-ce que on allait parler plein de choses aujourd'hui, on n'a pas encore abordé la moitié. J'ai quelque chose à dire, je sais pas. Oui, si vas-y, tu peux parler l'instant avant que pendant en qu'on fait, cherche la musique, vas-y. Je fais une petite dédicace à Dr Hero qui a suivi beaucoup de patients qui étaient psychopathes, notamment un qui est revenu il y a pas longtemps en France et dans le 93, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la banalisation de la violence. C'est-à-dire que j'entends beaucoup plus de femmes parler des violences qu'elles subissent en couple et c'est devenu banal. C'est-à-dire que j'entends des conversations comme ça à chaque coin de rue, même ici parfois, certaines soignantes qui parlent de ça. Et ça renvoie pour moi aux psychopathes que Dr Hero a suivi ou d'autres médecins. Ou voilà. Et c'est tellement devenu banal qu'on s'accommode de ça dans la vie de tous les jours. Alors que d'être psychopathe, c'est quand même quelque chose de grave, c'est quelque chose qui interpelle. Et je pose la question à Dr Hero, je ne sais pas s'il veut réagir, mais qu'est-ce qui est fait pour ces patients qui sont hors des soins, hors de la société et qui restent dans leur délire sanglant comme ça? Qu'est-ce qui est fait pour eux en fait? Je ne sais pas si Dr Hero veut réagir parce que je pense qu'ils sont livrés à eux-mêmes et il n'y a pas assez de gens pour les comprendre. Dr Hero, par exemple, arrive aux urgences, il arrive à faire des entretiens avec des patients qui font peur à tout le monde alors que d'autres soignants ne s'en occupent pas. Oui, mais là, il faudrait dire aussi que parmi les psychotiques, il n'y a pas plus de gens dangereux que parmi les autres. Donc là, on parle. Les psychopathes. Voilà, alors les psychopathes, c'est vrai que c'est autre chose. Les gens qui sont tueurs en série ou qui sont. Voilà, là, il parlait tout à l'heure d'un tueur en série qui est en train de faire le buzz. Là, il y a une série sur Netflix et tout. Et c'est vrai que, en fait, depuis le début, en 84-85, il disait la même chose en Inde. En fait, il tuait les hippies sur les chemins de Kathmandu en jouant au psychiatre. Hein. Donc il les invitait chez lui avec sa copine infirmière. Et en fait, il les rendait malades et après, il les gardait au chaud. Et pendant ce temps-là, il voyageait, il bouffait leur fric, après les tuer. Donc à l'arrivée en France dans les années normalement 86, ils ont fait passer une loi pour empêcher justement que les gens gagnent de l'argent avec leurs crimes. Donc là, lui, il est passé par Netflix, c'est une série qui s'appelle Le Serpent, et du coup c'est comme ça que là il a récupéré du fric, parce qu'il était en prison au Népal, il a dû comme ça pouvoir sortir là, donc il vient de rentrer le 24 décembre. En effet, c'est de ça dont on parle, et lui il raconte bien sûr qu'il a rien fait. Ce qu'il a dit il y a depuis 30 ans, il a quand même tué une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et là, voilà, il est capable de venir à Jean Verdier se faire soigner, voilà, tout en disant, même venir à la radio Metanoia pour clamer son innocence. Et en ce moment, on lui donne la parole. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner c'est la parole à ces gens-là, parce que c'est justement, si on leur donne la parole, c'est dans le reflet médiatique qu'ils trouvent une espèce de force d'identité. Mais est-ce que, Dr Hero, est-ce que la parole, elle n'a pas plus place à des entretiens plus adaptés? C'est-à-dire qu'avant, vous preniez le temps, et maintenant, ces patients-là, qui prend le temps avec eux? Parce que la nouvelle génération de psychiatres n'est pas habituée à. Enfin, n'est pas formé ou il y a une autre formation pour traiter ces patients-là. Alors, c'est vrai que les psychopathes, on a toujours dit qu'il fallait plutôt les voir quand on peut les voir. Alors, souvent, ça se mélange un peu avec la toxicomanie. Ouais, on les voit dans les cadres dans l'XAPA. Et c'est vrai que dans l'XAPA, on n'est pas là donner des rendez-vous à toutes les demi-heures. Voilà, les gens viennent. Mais c'est oui, pour ça se guérit, ça se calme avec l'âge. Alors, c'est vrai que les gens qui ont comme ça beaucoup d'impulsivité, etc., bon, ils essaient de la calmer. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que je vous dis, ces patients sont livrés à eux-mêmes en quelque sorte. Oui. Ils acceptent les soins, ils se soignent quand ils le veulent, quoi. Voilà, on en voit pas mal dans les quartiers, un petit peu, ils sont avec la drogue, etc. Voilà, donc, mais il y a toujours eu une difficulté à soigner ce genre de patients, mais c'est vrai que les gens maintenant qui ont des problèmes avec la drogue, il y a quand même les XAPA, il y a la méthadone, etc. Voilà. Parce que les gens aussi essaient de s'automédicaler. Mais au-delà de tout ça, là, on parlait plutôt des serial killers. C'est vrai que c'est pas la peine de donner la parole aux serial killers. Et non, donc, pas là, la parole dans l'espace public, mais lors d'entretiens ou lors d'espace soignant. Oui, dans l'espace public, là. voilà, donner la parole au, dans le monde ou dans le... Voilà, bon, on a essayé de ne pas le faire, il le fait, ben, voilà, tant mieux pour lui, hein, mais c'est les gens aussi qui cherchent ça, donc pareil, de parler que de trucs horribles, voilà, il y a des trucs aussi sympas tout mais à l'heure. Merci pour la chanson. Hein. De rien. Voilà. C'était ma chronique sur la psychiatrie. Hein, c'est, voilà, c'est mais quant à dire qu'il y a de la violence partout, c'est vrai que quand on a été victime de violence, eh ben, assez vite, de stress mais traumatique, en fait, après, moi, dès qu'on se balade dans la rue, on est sensible tout de suite à la vibration un peu violente. Parce qu'il y a des gens qui reproduisent la violence et moi j'ai fait le choix de pas la reproduire justement, je suis quelqu'un de non violent. Oui. Ah bah, tu voulais gens... pas la reproduire voilà, parce que t'étais honnête. Qui... C'est ça, il y a des gens qui sont consubis la violence comme mon père par exemple, il a reproduit ça toute sa vie. Ouais. Il y a des gens qui ont été victimes de maltraitance, de viol, etc. Ils deviennent eux-mêmes violeurs ou maltraitants. Et ça, c'est un choix à faire. Enfin, je sais pas si c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix de soins. C'est-à-dire qu'il faut se faire soigner pour éviter de reproduire le même schéma. Voilà, pour, oui, mais là, pendant la guerre, les guerres qui se passent, enfin, on se dit avec tous ces stress traumatiques, ça peut reproduire. Enfin, vous allez à la guerre, votre copain se fait tuer à côté, du coup, c'est facile. L'autre, en face, c'est faut le méchant. Il faut guérir le saignement de celui qui est mort. Ouais, il faut surtout qu'il n'y ait pas de guerre et surtout éviter les conflits. Voilà. Et c'est pour ça que vous parliez de violence pendant les manifs. Là, vous voyez, bon, moi, je parlais un peu à tout le monde. Parce que c'était bah là, pas normal. J'ai pas senti une vraie violence, parce que à part deux ou trois excités. Oui, là. C'est vrai, mais c'est parce que c'est devenu profondément banal. Non, c'était pas banal. Non, non, non, non. J'ai... Est-ce que Tron, j'aurais eu peur. Non, mais c'est... Non, bah, là... Je suis sorti dans quelques minutes, il faut me dire comment. Ah. Comment? Ouais. Ah oui, d'accord. Et bien alors, une petite chanson, alors. Non, mais... Madame Cotta voulait nous parler des prédictions oui, de madame, Stradamus. Allez-y, Madame Cotta. Non, allez-y, elle, bah, la prochaine fois. Vous pouvez parler, hein. Parce qu'on a, on a 5 minutes là. Est-ce que Jérémy, tu veux dire bonjour, Jérémy, tu viens d'arriver. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, prends le micro là, dis au bonjour, Metanoyax. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Micro en improvisation, ouais, ouais, Quentin, yo-yo, tout ça. Ouais, c'est comment, c'est quoi, comment aujourd'hui chanté, moi. Ouais, ouais, ouais, mais ouais. C'est... Attends, oui, Quentin, on va le faire la prochaine fois. Ton... C'est pas grave. C'est, musique, c'est pour chanter, ouais, ouais. Ouais. Ouais, balancer des on trucs va faire pour un peu chanter, de musique ouais, pour ouais. Finir là aujourd'hui. Ouais, ouais. Balancer des trucs, balancer des petits trucs. Parce que c'est vrai qu'il faut, il faut arriver avant les amis, sinon parce que sinon on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Et voilà, donc on va faire une petite chanson de Johan et en duo avec Jérémy. Et la prochaine émission c'est les prédictions de Nostradamus et la musique de Quentin qui voulait nous montrer un peu sa musique, un peu trash, bloody metal, monk. Voilà, donc on est sur Radio Metanoia, on est sur Pinode. Voilà, salut les amis. Nicolas Orbert qui vient de se réveiller après 24 heures de radio. Ils ont fait 24 heures de radio au Pré Saint-Gervais, Radio PSG. Un salut les amis, je voulais passer, mais je n'ai pas pu. Hein. J'aurais dû par contre, mais bon, c'était trop. J'ai dû travailler très tôt du matin, mais j'espère que ça s'est bien passé. Et voilà, et puis on est à 5 minutes de la fin. Radio Metanoia, comment c'est comment Black Ace qui vont faire. Mais ils chantent, hein, ils chantent, hein, c'est pas un instrumental. Oh, allez-y, allez-y. Comment le rythme? Ah, c'est ça, ok. Merci, Franck. Je t'adore beaucoup, hein. À demain, merci. So seductive. I take you to the candy shop. Eh, ça démarre comme ça, eh, j'ai ça dans le sang depuis bien longtemps, eh, j'aime le rap, eh, j'ai ça dans le pif, eh, tu peux pas me tester, tu peux. Tout le monde debout, tout le monde debout, eh. Tout le monde debout, je pilote la prod en deux roues. Tout le monde debout, tout le monde debout, je pilote la prod en deux roues. En deux roues, en deux roues, ils se disent pur et dur. Réellement j'en suis peu sûr. Ils se disent pur et dur. Réellement j'en suis peu sûr. La musique perdure. West End, North End, Sud. Vive la bande. Tu peux m'arrêter quand je suis dessus. J'suis au-dessus, au-dessus, au-dessus. Yo, je suis Johan, un vrai mec de carte nord de Bondy. Eh, hey, le futur m'appartient, eh, hey, j'ai ça dans le cœur. T'as compris le succès, c'est ça. Ça commence tout bas à la maternelle. Et puis ça vient à les bras. On a ça dans le cœur depuis bien longtemps. Eh, hey, mon père qui est au ce hey, avec Jérémy. C'est ça, yo, yo, yo, ça fait. Hold up, hold up. Levez les mains en l'air. Yo, yo, yo. Hold up, hold up, levez les mains en l'air. Hold up, hold up, hold up, hold up, levez les mains en l'air. Ok, mon flow n'a pas de couleur, on avait la même idée. Arc-en-ciel, levez les mains en l'air. Levez les mains en l'air. Levez les mains en l'air. Je paye ma destinée. Je vais les faire halluciner. Juste pour le fun, ma destinée. Ok. Comportement stoïque. Comportement stoïque aussi solide. Comportement stoïque solide. Oh oui, trop de style. Yo, ouais. Remix. Candy shop. Candy shop. Hold up. Hold up, levez les mains en l'air. Sans revolver. Ouais. Yo, ouais. C'est comme ça que ça se passe ici. Ouais. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est comme ça que ça passe ici. C'est comme ça que ça passe ici. Il y a de l'ambiance métanoïac. C'est métanoïa. Metanoia. Yo, Metanoia. Yo. Au revoir les amis. On a passé une soirée métanoïaque. Salut Nico, tu me raconteras comment ça s'est passé le 24 ans de PSG. Je vois que Eric n'est pas encore réveillé. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous aime. Et à la semaine prochaine sur Pinot.